Audiomatic. Pour débuter cette transmission 2-4-1 d'Audiomatique, nous vous avons présenté le groupe britannique Portishead et la chanson We Carry On, tirée de leur troisième album studio, simplement intitulé Third. Les sonoristes vous invitent maintenant à voyager dans l'univers sonore créé par l'artiste Robert Logan. coup. Thank you. À Audiomatique, nous terminions cette séquence sur la musique de Martin Non-Static, pseudonyme de l'artiste Martin Van Rossum. La pièce que nous entendions, soit Variegation, a toutefois reçu une série de modifications sonores opérées par la formation Floating Machine. Cette version remixée apparaît sur l'album Ligand Remixes, qui, comme son nom l'indique, propose une série de versions remaniées de pièces se trouvant à l'origine sur l'album Ligand de Martin Non-Static. Avant cela, nous voyagions dans les algorithmes sonores du compositeur Robert Logan, de qui nous écoutions la pièce Voyager, tirée de son plus récent album intitulé Sculptor Galaxy. Les sonoristes vous offrent maintenant à entendre à Audiomatique le projet québécois Paraphonique. Thank you. à Audiomatique. Il s'agissait du groupe danois Onabun, qui s'orthographie UNDERBYEN, de leur album Same Stoff, Some Stoff. Nous avons entendu la pièce Den Ier Sang Endler Om Et Fa De Betste Ul Ede, qui pourrait grossièrement se traduire par « Cette chanson parle de tirer le meilleur parti ». Précédemment à Onabun, nous avions droit au groupe américain Dark Dark Dark et sa chanson « Something for Myself » qui est parue, entre autres, sur l'album « Wild Go ». Et pour amorcer cette séquence, le projet paraphonique mené par Nicolas Lavoie nous interprétait sa composition « Spirit World », extraite de son plus récent album « Propos et confidences » que nous vous invitons à découvrir en visitant le profil de l'étiquette de disque « Jeunesse Cosmique » au jeunessecosmique.bandcamp.com. Ceux qui connaissent le répertoire cinématographique russe des années 60 et 70 reconnaîtront peut-être, à travers la prochaine pièce, l'environnement sonore créé par Edouard Artemiev pour le film Stalker d'Andrei Tarkovsky. Vous êtes toujours à Audiomatique. Thank you. À Audiomatic, cette séquence constituée de quatre pièces se terminait sur la courte composition « Avis de tempête » réalisée par la formation française fin de siècle. Cette pièce se retrouve sur l'album intitulé « Patagonie » paru en 2006. Avant fin de siècle, nous entendions la chanteuse péruvienne Ima Sumac, dont le répertoire est composé notamment de réinterprétations de chants Inca dans la langue quechua. La pièce que nous avons entendue, intitulée « Wakai », mot qui signifie tout simplement « cri », cette pièce se retrouve sur l'album « Inca Taki » paru en 1953. Avant Ima Sumac, c'était le projet « Rapoon » de l'artiste britannique Robin Story qui nous offrait la pièce « The Promises » qu'on retrouve sur l'album « Melancholic Songs of the Desert » sorti en 2009. Et la séquence s'amorçait sur la musique du compositeur russe Edouard Artemiev, créée pour la trame sonore du film Stalker, réalisé par Andrei Tarkovsky en 1979. Outre Stalker, Artemiev a composé la musique de quelques films de Tarkovsky, notamment le célèbre Solaris, mais aussi The Mirror et Zerkalo. Les trames sonores ont été endisquées dans le cadre d'une série d'albums dédiés aux musiques de films de Tarkovsky. Pour en finir, une fois pour toutes, avec cette transmission 2-4-1 d'Audiomatic, nous vous ferons jouer la chanson « Suicide » de la formation danoise The Ravenettes. Cette pièce est tirée de leur quatrième album « In and Out of Control » lancé en 2009. Ne manquez pas la transmission 242 d'Audiomatic qui sera diffusée en direct mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. D'ici là, vous pouvez accéder à toutes nos anciennes transmissions en consultant nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-CFOU. Voici The Ravenettes et la pièce Suicide. C'était Audiomatic avec les sonoristes.